suite. Gangsta music, on sort de nos quartiers avec une dégaine unique pour réanimer le rap en direct de la clinique. Inventeur du son Kaira, donc arrête d'être minique. Les négros savent d'où on vient, qui on est. On a appris avec le sable, pendu au-dessus du nez. On sait qui a la feu genou, pendu en dessous du nez. On reste les nègres imbattables et puis incouillonnés. Dirais-je comme une Jizzy pour espacer. Faut que tu nous laisses passer ou tu vas trépasser. Mao, c'est l'effet de ta rime sur mon gang. Piou piou, c'est le bruit de l'arme, surveille ta langue. Pas de thème précis, c'est le son de la zone. Faites la fête sur nos bombes dans toutes les Tessies. Si vous avez kiffé, allez dites-nous merci. Et Inch'Allah, on va remplir des Percy Mao. Fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner. C'est le son de la zone. Avec toute la reconnaissance qui nous est due, les têtes cramées ressent la vérité, le vécu. Avec toute la reconnaissance qui nous est due, les têtes cramées bouge la tête en cadence dans le vécu. Avec toute la reconnaissance qui nous est due, les têtes cramées ressent la vérité, le vécu. Avec toute la reconnaissance qui nous est due, les têtes cramées bouge la tête en cadence dans le vécu. Fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner. C'est le son de la ville. 7-5, gangsta music. On sort de nos quartiers avec une dégaine unique. Des belles à nos bras et des ailes sur nos tuniques. C'est classe mais Kaira, Timinique sans Timinique. Les frérots savent d'où on vient, qui on est. Si on ressort le, on va, tu connais. Depuis un bail derrière, y'a les plus vrais des supporters. À mes gangs de mecs sincères qui pour la paix font la guerre. Ils ont les gros bisous, les petits zouzous, quelques foufounes. Leur concurrent direct, c'est Michael Youn. Leurs textes sont bâclés, qu'on dirait c'est leur mère qui leur donne. Leurs textes sont charclés comme de la com. On a plané, tout quadrillé, comme en reconnaissance. Au vrai MC, la Tessie sera reconnaissante. Des boulards d'eau dans les décembres, depuis le début de l'adolescence. C'est avec un flingue et une rose qu'on représente. Fais tourner, fais tourner. Avec la reconnaissance qui nous est due, les têtes sincères ressentent la vérité, le vécu. Avec la reconnaissance qui nous est due, les têtes sincères bouge la tête en cadence dans le vécu. Avec la reconnaissance qui nous est due, les têtes sincères ressentent la vérité, le vécu. Avec la reconnaissance qui nous est due, les têtes sincères bouge la tête en cadence dans le vécu. Fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Les frérots savent d'où on vient, qui on est. Tous les négros savent d'où on vient, qui on est. Les frérots savent d'où on vient, qui on est. Tous les types savent d'où on vient, qui on est. Les frérots savent d'où on vient, qui on est. Tous les ex savent d'où on vient. D'où on vient, qui on est. Tout le monde sait d'où on vient, qui on est.